Full pass on it, man, I'm on King Pound the mic. In a the radical style. Original full pass on it, man, I'm on King Set So. In a the radical style. Big up Felix Sound, big up Felix Sound System. Une révolte universelle, j'te la donne à la morphine. Et pas pour rock, c'est pareil, on combat le même ennemi. Mais les membres pour faire parler les murs, voyez toi tes graffitis. Montre-leur que la rue ne la montre qu'une sympathie. Pour passer, tu sens la température monter. Tes gueules sont accros, c'est choquant la masse grande. Tes mensonges, tu commences à regretter. Par la vie, tu es tenté, mais que de la masse grande. Tu sens la température monter. Tes gueules sont accros, c'est choquant la masse grande. Des mensonges, tu commences à regretter. Par la fête, tu es tendu. Joie des youth, mal poli, des frères qui frôlent la folie. Des sœurs qui se tapent comme des balles en badin, y'a de quoi s'affoler. La capacité des ministres, la politesse de ta police. La corruption de tes médias, tous les riches et leurs caprices. Toi qui t'endors à l'assemblée quand les autres bourses foutent sur la gueule. Chacun qui en pense en ses idées. Pendant ce temps-là, y'en a qui meurent, beaucoup ne mangent pas à leur faim. Au sein de ta république, c'est pas Marianne qui donnera le sien pour assouvir nos appétits. J'viens pas mentir, ni demander pardon, je viens juste mettre en garde. Je sens porter la pression parmi la populace. Là, c'est assez de tous ces cons qui te font croire que t'es important tous les 5 ans pour l'élection. Tu sens la température monter. Tes gueules sont accros, c'est choquant la masse grande. Tes mensonges, tu commences à regretter. Par la vie, tu es tenté, mais que de la masse grande. Tu sens la température monter. Tes gueules sont accros, c'est choquant la masse grande. Tes mensonges, tu commences à regretter. Par la vie, tu es tenté. L'heure est aussi bien rebelle des super-héros connectés. Derrière leurs écrans, ils se prennent tous pour LG. Ils balancent et ils dénoncent en postant des photos bidons. Mais regarde autour de toi, t'es tout seul dans ta maison. Mais ils réussissent à t'isoler, tu leur fournis des tas d'infos. Ils savent toujours où t'es, toi tu crois leur mettre profond. Mais t'as tout faux, on est fiché, observé comme des animaux. Ils se mettront à trembler seulement quand les rues s'animeront. Donc plus le temps de s'amuser, mais il est temps de faire ça durement. Maman, je suis désolé, des blessés y'en aura sûrement. Mais la liberté a un prix, je suis prêt à payer content. Parce que cette vie, je l'ai pas choisi, je vais reprendre les commandes. Tu sens la température monter. Tes gueules sont accros, c'est choquant la masse grande. Tes mensonges, tu commences à regretter. Par la vie, tu es tenté, mais que de la masse grande. Tu sens la température monter. Tes gueules sont accros, c'est choquant la masse grande. Tes mensonges, tu commences à regretter. Par la vie, tu es tenté. Une révolte universelle, je te la donne ragamuffin. N'est pas pour rock, c'est pareil, on combat le même ennemi. Mais les bons pour faire parler les murs, voyez t'as tes graffitis. Montre-leur que la rue ne leur montre aucune sympathie. On est là, le microphone est chargé, le cerveau toujours branché. Non plus question de se voiler la face face à ces gars. Qu'ils sachent qu'il y a danger. Man, on est des milliers à vouloir te voir plier, humilier. Écoute ça, t'as la monde qui vient DJ. C'est le mec comme Mike sans pitié. Qui te dit pas de Babylone dans la dancehall, non j'aime pas.